Chapitre 10e. De la gare de Marseille au bassin de la Joliette, la distance est courte. En moins de 10 minutes, le taxi dans lequel Jérôme Korff avait pris place l'avait amené sur le quai des messageries maritimes, à moins de 50 mètres du point où était ancrée l'Australienne. Korff, qui bouillait, jeta une poignée de monnaie au chauffeur et bondit vers la rangée de chalands reliant le grand paquebot au quai. Sa carte, qu'il montra à un gardien, lui permit de passer. Il n'avait plus d'espoir de retrouver Teddy. D'ailleurs, déjà le paquebot était complètement vidé de ses passagers. Sur les ponts déserts, les matelots mettaient à l'ordre, cependant qu'une armée de portefaix s'occupait à décharger la cargaison. Korff, sans s'illusionner, monta sur le pont. Il n'avait pas fait 3 pas qu'il se heurta presque à un grand et maigre individu, coiffé d'un chapeau melon, emmitouflé d'un épais cache-nez, et porteur de lunettes rondes qui débouchaient d'une coursive voisine. « Oh, Mr. Korff, entendit-il, on vous a donc relâché. »« Joey Blanquette !» s'exclama Korff stupéfait. « Vous, ici ?»« En effet, c'est bien moi. »« Vous, mais dites donc, comment savez-vous que j'ai été relâché et arrêté ?» observa Korff brusquement. « C'est un ami à moi qui m'a raconté l'histoire. Il était à la gare. On vous a pris pour un voleur, il paraît. Mais que... on m'a... Mais c'était vous, l'anglais du train? C'est vous, monsieur Blanquette, qui m'avez fait coffrer? Je vous reconnais. C'était votre démarche. Et moi, pauvre imbécile, un véritable pickpocket, voilà ce que vous êtes. Vous m'avez filouti mes papiers, que vous avez remplacés par d'autres au nom d'Argoulian, et vous avez prévenu la police que... Si je ne vous connaissais pas, monsieur Korff, je croirais que vous êtes fou, coupa Joey Blanquette froidement. En tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que notre Teddy, qui s'appelle Edward Clams, était ici à bord. Je viens de voir le commissaire du paquebot, monsieur Edward Clams, qui voyage avec sa femme, est reparti sur le Calais Méditerranée il y a demi-heure. Si j'avais le temps, je vous en dirais plus, mais je ne tiens pas à laisser échapper mon gibier. Où allez-vous? Questionna Korff, la pensée changée. Je veux rattraper le rapide. Au revoir. Oh, je ne vous quitte pas. C'est vous, hé, qui m'avez signalé comme un pickpocket international, grommela l'anglais. On m'a gardé au poste du commissariat des ports depuis 6 heures ce matin. C'est pour cela que vous m'avez encore traité de pickpocket. Vous n'êtes pas un gentleman, monsieur Korff. Adieu, et débrouillez-vous. Moi, j'agis seul. Oh, je vais vous suivre. Nous verrons bien, grommela l'inspecteur de la sûreté, de plus en plus intrigué par les paroles de Joey Blanquette. Celui-ci était déjà à plusieurs mètres de lui. À sa suite, Korff redescendit à terre. Il vit Joey Blanquette sauter dans un taxi. Il en prit un autre. L'auto de l'anglais traversa rapidement la ville, s'engagea à travers le Prado, la grande promenade marseillaise, et pénétra dans le parc Borély. 4 avions reposaient sur les pelouses du champ de course, non loin de grands baraquements de bois. Un meeting d'aviation venait d'avoir lieu à Marseille 2 jours auparavant. Korff comprit. Joey Blanquette allait fréter un aéroplane pour rattraper le Calais Méditerranée. De fait, il vit l'anglais descendre de son taxi et se diriger vers les baraquements. Il l'imita et le rejoignit comme il n'était plus qu'à quelques mètres d'un groupe d'aviateurs. « Faisons la paix, monsieur Blanquette. Nous devons être alliés contre les ennemis de la société. Retirez vos stupides accusations alors, monsieur Korff. C'est entendu, ce n'est pas vous l'anglais du train, mais vous lui ressemblez rudement. » L'homme de Scotland Yard daigna se contenter de cette rétractation qui n'en était pas une. « Nous allons rattraper le Calais Méditerranée à Avignon. Nous le pouvons, » fit Joey Blanquette. « Il n'y a qu'à prendre un de ces appareils si on veut nous emmener. »« Nous partagerons les frais, » déclara Korff. Blanquette, s'étant approché d'un des aviateurs, eut rapidement conclu l'affaire. L'aviateur, un Lyonnais du nom de Jean Durand, s'engagea à déposer les 2 hommes à Avignon le plus près possible de la gare, et ce, moyennant la somme de 5 000 francs, que Blanquette lui versa sur le champ. « Mon avion fait du 200 à l'heure, » expliqua-t-il. « Avignon est à 80 km à peine, en ligne droite. Nous y arriverons une bonne demi-heure avant le rapide. « Nous partons tout de suite. Mon plein d'essence et d'huile est fait. Je devais justement regagner ce matin Istres, où je réside. Montez. » Les 2 détectives ne se firent pas répéter l'invite. Ayant boutonné leur manteau, ils grimpèrent dans la carlingue et s'installèrent chacun dans un baquet. En moins de 10 minutes, tout fut prêt. L'aviateur s'étant placé à son poste, mit les moteurs en marche. L'appareil, après avoir roulé sur quelques mètres, s'enleva brusquement et monta dans le ciel clair. Le vent du nord-ouest avait fraîchi. L'avion l'avait juste dans le nez. Elle commença aussitôt à rouler et à tanguer violemment. Secouée, agitée comme de la salade dans un panier, assourdie par le vrombissement des moteurs, les deux détectives pendant quelques minutes restèrent silencieux, le cœur dans la bouche, comme disent les Anglais. Joe Blanquette, le premier, s'acclimata relativement. « Du courage! » cria-t-il à Korff qui haletait la face rouge. « Ça va, un peu mieux, » fit l'inspecteur de la sûreté. « Moi aussi, on se dirait sur un chalutier par mauvais temps, mais ce sera vite fait. « Dites donc, entre nous, franchise pour franchise, c'est vous, hein, qui m'avez signalé comme le roi des pickpockets au commissariat des ports de Marseille? » Je vous jure que non, ma parole d'honneur, affirma Korff sincère. Allons, allons, puisque je vous dis franchise pour franchise, c'est moi, c'était moi, l'anglais du train. Vous ne m'avez pas reconnu, hein? J'ai bien ri. Vous dormiez comme un ange. J'avais peur que vous me devanciez, vous comprenez? Alors j'y pensais. Vous pouvez dire que vous êtes un beau dégoûtant, s'exclama Korff indigné autant que furieux. Dégoûtant? Et vous, qui m'avez fait enfermer comme un pickpocket? Je ne vous ai rien fait du tout. Si l'on vous a coffré, je n'y suis pour rien, tandis que vous, vous avez agi comme le dernier des derniers envers un camarade. Vous ne parlez pas comme un gentleman, monsieur Korff, je vous le dis. Vous en auriez fait autant à ma place. Le devoir d'un bon anglais est d'être le premier partout. Et je voulais arriver avant vous pour avoir une explication avec ce Teddy. Je ne suis pas un mauvais garçon, moi. La preuve, c'est que je vous ai laissé me suivre et vous embarquer avec moi sur cet avion. Oh, vous ne pouviez pas m'en empêcher de vous suivre, d'abord. Et j'aurais pris un autre avion, voilà tout. Je ne dis pas. Faisons donc la paix, monsieur Korff. Je retire mes paroles. Vous êtes un vrai gentleman. Et vous en êtes dans un autre, déclara Korff qui, à part lui, se promit bien, dès que l'occasion s'en présenterait, de rendre à l'anglais la monnaie de sa pièce. L'avion, cependant, avait gagné les hautes couches de l'atmosphère, où l'air était un peu plus calme, et il filait tout droit sans plus rouler ni tanguer. Sous eux, les deux policiers apercevaient sur leur gauche l'étang de Berre, pareil à une immense nappe de saphir que pointillaient d'innombrables barques de pêche. Et tout près du rivage, la voie ferrée, reconnaissable à son ballast gris qui tranchait sur le sol jaune environnant. Nous filons bien, observa Joey Blanquette pour dire quelque chose. Oui, et alors vous avez des nouvelles de Teddy? Fit Korff qui ne voulait pas perdre l'occasion de se renseigner. Je ne peux pas dire ce que j'en ai pas, et je regrette de vous informer, monsieur Korff, que la situation se complique. J'ai vu le registre des passagers de l'Australienne. Monsieur Edward Clam s'est embarqué à Sydney avec sa femme, née Julia Jacobson. La fille de l'homme assassiné dans l'île Maiden? Oui, l'héritière des perles. Et alors si, comme je le crois, Teddy a aidé Otto Droll à assassiner Carl Jacobsen, il se trouverait que Julia Jacobsen aurait épousé le meurtrier de son père. Mais comment prouver la culpabilité de Teddy? Peut-être que la jeune Sonia Argouliant pourra nous fournir quelques indices? Sonia Argouliant. Laissez-moi vous dire à mon tour qu'elle s'est évadée de Saint-Lazare et que c'est ce triple X, à l'existence duquel vous ne vouliez pas croire, qui a téléphoné au chef de la sûreté devant moi pour lui annoncer que c'était lui qui l'avait enlevée. Oh, si j'avais su, je vous aurais. Au lieu de faire l'idiot dans le train, vous n'aviez qu'à venir avec moi et m'interroger. Je ne fais jamais l'idiot, monsieur Korff. Mettons que ce soit l'imbécile, monsieur Blanquette. En tout cas, il y a une chose très claire dans tout ceci. Julia Jacobsen hérite des perles. Donc, si Teddy les a, nous ne pouvons nous servir de cet argument pour l'inculper. Je ne compte pas l'inculper. Je compte faire sa connaissance et l'épier. Si fort que soit un homme, il finit toujours par se trahir. Et puis, nous ferons parler sa femme, si elle est vraiment sa femme. Elle doit l'être. Mais si Edward Clams est coupable, je me demande comment il a pu réussir à se faire épouser par la fille de l'homme qu'il a assassiné, observa Korff. Tout est possible, monsieur Korff. Le principal est que nous rattrapions le rapide de façon à ne pas perdre de vue notre client, car bien qu'il voyage sans se cacher, rien ne nous dit qu'il ne va pas descendre du train, soit à Lyon, soit ailleurs, et disparaître. C'est ce qu'il ne faut pas. À nous de bien manœuvrer. Nous essayons. La conversation s'arrêta là. Pendant quelques minutes, les deux hommes restèrent silencieux. penchés par-dessus la carlingue, à regarder le paysage se dérouler sous eux. Voilà une auto qui file bien, murmura soudain Joe. Voilà une auto qui file bien, murmura soudain Joe Blanquette. Elle doit donner 120 à l'heure. Et même plus, s'estima Korf. Elle atteindrait 140 que je ne serais même pas étonné. Par ma foi, elle nous gagne. On dirait qu'un de nos moteurs a dératé. Oui, nous ralentissons. Entendez comme il tape. Pourvu que nous n'ayons pas de panne. Joe Blanquette ne répondit pas. Korf ne s'était pas trompé. Le moteur de droite de l'avion faiblissait, mais heureusement il continuait à tourner, beaucoup moins vite. Aussi l'appareil avait-il fortement ralenti. L'auto qu'il venait de dépasser le gagnait peu à peu. L'aéroplane volait à présent au-dessus de l'Acro, l'immense plaine caillouteuse et stérile qui s'étend entre Arles et l'étang de Berre. Sur leur gauche, les voyageurs distinguaient nettement la voie ferrée toute droite, qui courait entre deux rangées de noirs cyprès, rabougris et tordus par le mistral. L'auto, un petit point gris enveloppé de poussière, filait toujours à une vitesse vertigineuse et continuait à gagner sur l'avion. Et voilà le rapide, s'écria Korf en désignant au loin une demi-douzaine de longs wagons traînés par une locomotive empanachée de fumée noire. C'est lui. Si notre moteur ne nous lâche pas tout à fait, nous l'aurons vite dépassé. Tout va bien. Oh! Une gerbe de flammes venait de jaillir du fourgon de queue du rapide, cependant que le véhicule ouvert en deux arrachés des rails se couchait sur le ballast et que retentissait une sourde explosion. Le train tout aussitôt ralentissait, traînant toujours le fourgon en flammes.